crois que je viens de voir une jeune fille poursuivie par un homme dans la forêt. C'est en début de matinée que des ossements ont été découverts dans le jardin du célèbre Harry Kébert. Avec les restes de la gamine, les enquêteurs ont retrouvé le manuscrit des origines du mal. Il y a une inscription sur le manuscrit. Il est écrit « Adieu, Nola chérie ». Je vous assure que ce n'est pas mon écriture. Je ne l'ai pas tué, je n'ai pas tué Nola. Goldman, vous n'avez pas intérêt à me planter, sinon je vous casse. Ce sera fini l'écriture pour vous. Même les cartes postales à votre maman. Le problème est que j'ai eu une relation avec cette gamine et que c'était un acte impardonnable. Connaissez-vous Elias Stern ? Bien sûr. C'était le propriétaire avant Harry. Le propriétaire de quoi ? De la maison de Gouskov. Si vous êtes bien dans cette maison, restez-y quelques mois de plus. J'aimerais vraiment vous aider. La vérité sur l'affaire Harry Kébert, de Joël Dicker, adaptation Sophie Lemp, réalisation Pascal II. Cinquième épisode. Après avoir accepté la proposition de Stern, je n'ai fait qu'une chose, écrire. Écrire comme un fou, écrire fiévreusement, écrire à en perdre les notions de matin, de soir, de faim, de soif. Écrire à en avoir envie de vomir. Pendant 3 semaines, j'ai écrit jour et nuit. Et pendant ce temps, Nola s'occupait de moi. Je lui avais dit que j'avais trouvé un arrangement avec mon banquier pour continuer à payer la maison. Elle venait me veiller, me faire manger, me faire dormir. Elle me proposait une promenade lorsqu'elle voyait que je n'en pouvais plus. Discrète, invisible et omniprésente. Grâce à elle, tout était possible. Et surtout, elle tapait mes feuilles à la machine à l'aide d'une petite Remington portable. Allez, c'est la pause. Et souvent, le soir, elle emportait sans me le demander un morceau du manuscrit pour le lire. Le lendemain, elle me faisait part de ses commentaires. Elle était souvent dithyrambique. C'est très bien. Elle me disait que c'était un texte magnifique. Avec ses grands yeux amoureux. Elle me donnait une confiance exceptionnelle. Alors vous avez vraiment écrit les origines du mal en quelques semaines? Oui. J'étais habité par une espèce de fièvre créatrice que je n'ai jamais retrouvée ensuite. Vous dites que Nola emportait le manuscrit avec elle ? Elle emportait les parties qu'elle avait tapées. Elle les relisait et me donnait son avis. Marcus, ce mois d'août 1975, ça a été le paradis. J'ai été tellement heureux. Nous avons été tellement heureux. Mais je restais malgré tout hanté par l'idée que quelqu'un savait pour nous deux. Et quelqu'un qui était prêt à saloper un miroir avec des horreurs. Ce quelqu'un pouvait nous épier de la forêt. Ça me rendait malade. Et c'est pour ça que vous aviez prévu de partir ensemble le 30 août. Ça, Marcus, c'était à cause d'une autre terrible histoire. Vous enregistrez, là? Oui, bien sûr. Je vais vous raconter un épisode très grave. Pour que vous compreniez, mais je ne veux pas que ça s'ébruite. Comptez sur moi. Le lendemain de notre retour de Martha's Vineyard, Nola avait une mine affreusement triste. Elle m'a dit que sa mère l'avait battue. Elle avait le corps marqué. Elle pleurait. Elle m'a dit que sa mère la frappait à coups de règle en fer et qu'elle lui faisait aussi cette saloperie qu'ils font à Guantanamo, les simulations de noyade. Elle remplissait une bassine d'eau, prenait sa fille par les cheveux et lui plongeait la tête dans l'eau. Elle disait que c'était pour la délivrer. Pour la délivrer ? La délivrer du mal. Une espèce de baptême, j'imagine. Je lui ai demandé pourquoi son père ne réagissait pas. Elle m'a répondu qu'il s'enfermait dans le garage et écoutait très fort de la musique. J'ai voulu régler cette histoire. Aller voir les Kellergan. Fallait que ça cesse. Mais Nola m'a supplié de ne rien faire. Elle m'a dit qu'elle aurait des ennuis terribles. Que ses parents l'éloigneraient de la ville et que nous ne nous verrions plus jamais. Cette situation ne pouvait plus durer. Nous avons décidé qu'il fallait partir, vite. En secret, bien sûr. Nous avons fixé le départ au 30 août. Nous voulions rouler jusqu'au Canada, passer la frontière du Vermont Aller en Colombie-Britannique, peut-être. Nous installer dans une cabane en bois. La belle vie au bord d'un lac. Personne n'aurait jamais rien su. Alors voilà pourquoi vous aviez prévu de vous enfuir tous les deux. Et pourquoi ne voulez-vous pas que je parle de ça ? Ça, ce n'est que le début de l'histoire, Marcus. J'ai ensuite fait une découverte terrible à propos de la mère de Nola. Fin de la visite, messieurs. Nous reprendrons cette conversation la prochaine fois, Marcus. En attendant, surtout, gardez cela pour vous. Je vous le promets, Harry. Mais une dernière chose. Qu'auriez-vous fait du livre si vous étiez enfui ? J'aurais été un écrivain en exil, ou pas écrivain du tout. Ça n'avait plus d'importance. Seul Nola comptait. Le reste m'apportait peu. Au revoir, Harry. Voilà donc le plan qu'avait échafaudé Harry 30 ans plus tôt. Partir avec Nola et mener une vie cachée au bord d'un lac. Il ne se doutait pas que la nuit prévue pour la fuite, Nola disparaîtrait et serait assassinée. Ni que le livre qu'il avait écrit en un temps record et auquel il était prêt à renoncer allait être l'un des plus grands succès de librairie du demi-siècle. En attendant de retourner voir Harry, Marcus continua à enquêter sur le lien qui unissait Nola à l'homme d'affaires Elias Stern. Nancy Hathaway, l'amie de la jeune fille, lui avait raconté que durant ce fameux été 1975, Luther Caleb, le chauffeur de Stern, venait régulièrement la chercher à Aurora, au volant d'une Mustang bleue. Ce matin-là, Marcus avait rendez-vous au Clark's avec le sergent Gallowood pour tenter de comprendre ce que Stern voulait vraiment à Nola. Vous avez tapé dans le mille, l'écrivain. Pourquoi ça ? J'ai fait mes recherches sur ce Luther Caleb. Ça n'a pas été facile, mais voilà ce que j'ai trouvé. Il est né en 1940 à Portland, dans le Maine. J'ignore ce qui l'a amené dans la région, mais entre 1970 et 1975, il a été fiché par les polices de Concord, de Montbury et d'Aurora pour des comportements déplacés envers des femmes. Il y a même eu une plainte déposée contre lui par une certaine Jenny Quinn, devenue Down. Et c'est elle qui tient cet établissement. Plainte pour harcèlement déposée en août 75. Voilà pourquoi je voulais que nous nous retrouvions ici. Jenny a déposé plainte contre Luther Caleb ? Vous la connaissez ? Oui. Vous voulez bien lui demander de venir ? Jenny ? Ouais ? Tu aurais quelques minutes à nous accorder ? On m'attend en cuisine, mais je vous écoute. Ça ne sera pas long. Je suis le sergent Gallowood. J'enquête sur l'assassinat de la jeune Nola Callaghan et j'aimerais vous poser quelques questions. Avez-vous connu un certain Luther Caleb ? Oui. Il était gentil. Très doux, malgré son apparence. Il venait ici de temps en temps. Je lui offrais un café et un sandwich. Je ne le faisais jamais payer. C'était un pauvre garçon. Il me faisait un peu de peine. Pourtant, vous avez porté plainte contre lui. Ça fait tellement longtemps. C'est Travis qui m'a poussé à porter plainte. À l'époque, il disait que Luther était dangereux et qu'il fallait le tenir à l'écart. Pourquoi dangereux ? Cet été-là, il rôdait beaucoup à Aurora. Il a parfois été un peu agressif avec moi. Il s'est montré violent ? Ah non, non. Oh. Violent, c'est un grand mot. J'ai dit agressif. Il insistait... Ça va peut-être vous paraître ridicule. Mais non, vas-y, Jenny, c'est peut-être un détail important. Il insistait pour me peindre. Vous peindre ? Oui. Il disait que j'étais une belle femme, qu'il me trouvait magnifique, et que tout ce qu'il voulait, c'était pouvoir me peindre. Qu'est-il devenu ensuite ? Il a disparu. À ce qu'on dit, il se serait tué en voiture. Faut demander à Travis, il saura sûrement. Drôle de type, c'est Caleb. Je vous le fais pas dire, l'écrivain. Le 26 septembre 75, soit 4 semaines après la disparition de Nola, on a en effet retrouvé sa voiture en contrebas d'une falaise. Près de Sagamore, à environ 200 miles d'Aurora. J'ai aussi découvert qu'il avait suivi une école de beaux-arts à Portland. Il y a de sérieuses raisons de croire qu'il est l'auteur du tableau de Nola. Vous pensez qu'il aurait pu s'en prendre à elle ? Pourquoi pas ? Il l'entraîne dans la forêt de Side Creek. Dans un accès de violence, il la tue. Puis se débarrasse du corps avant de s'enfuir dans le Massachusetts. Rongé par les remords, se sachant traqué, il se jette avec sa voiture du haut d'une falaise. Et pourquoi la police n'a pas fait le lien à l'époque ? Pour faire le lien, il aurait fallu considérer Caleb comme un suspect. Or, aucun élément du dossier de l'époque ne conduisait jusqu'à lui. On pourrait aller interroger Stern, perquisitionner sa maison. Il est très puissant. Tant qu'on n'aura rien de plus solide, le procureur ne nous suivra pas. Il nous faut des éléments tangibles, des preuves, l'écrivain. Il nous faut des preuves. Il y a le tableau de Nola. On ne peut pas s'en servir comme d'une preuve. Vous avez obtenu illégalement cette photo, je vous rappelle. Je racontais alors au sergent l'escapade de Harry et Nola à Martha's Vineyard. Les coups répétés de la mère. Le père qui se cachait dans le garage. Admettant qu'il y avait encore autour de Nola trop de zones d'ombre, Perry Gallowood accepta de m'accompagner chez David Kellergan. Monsieur Kellergan, connaissez-vous un certain Elias Stern ? Je l'ai croisé quelquefois à Aurora, mais c'était il y a longtemps. Pourquoi ? Nous pensons que votre fille a eu une relation avec Monsieur Stern. Non mais qu'est-ce que vous insinuez ? Ma fille a été victime de cette saloperie de Harry Keber. Allez plutôt vous occuper de lui. Bon, cette conversation est terminée. Au revoir, monsieur. Votre femme la battait, hein, c'est ça ? Pardon ? Votre femme, elle avait la main lourde, non ? C'est moi qui vais l'avoir lourde, la main. Qu'est-ce que vous voulez, comme... Allez, foutez-moi le camp. Qu'est-ce qui s'est passé en Alabama, monsieur Kellergan ? Pourquoi vous êtes venu vous installer à Aurora ? Répondez, nom de Dieu, vous devez bien ça à votre fille. Non, s'il vous plaît. Allez, barrez-vous. Barrez-vous d'ici. Gallo dut avoir pitié de moi, car il m'invita aussitôt à dîner. Je suis vraiment heureuse que Perry vous ait invité, Marcus. J'ai tellement aimé votre livre, je l'ai adoré. Je l'ai dévoré. Bon, arrête, chérie, je t'en supplie. Il ne va plus passer la porte. Ça m'étonnerait. Vous avez une belle famille, sergent. Merci. Et vous ? Une femme ? Des enfants ? Rien. Un chien ? Non plus. Même pas de chien ? Vous devez effectivement être sacrément seul, l'écrivain. Alors laissez-moi deviner, vous habitez un appartement beaucoup trop grand pour vous dans un quartier branché de New York. Hein ? Un grand appartement, toujours vide. Vous avez la trouille, hein, l'écrivain. Le pire, c'est que je ne sais même pas de quoi j'ai peur. Je suis en train d'écrire mon nouveau bouquin sur cette affaire et il devrait me rapporter au minimum $1 million. Je vais sûrement en vendre énormément et au fond de moi, je suis malheureux. Qu'est-ce que je dois faire, selon vous ? Vous demandez conseil à un type qui gagne $50 000 par an ? Si j'étais votre fils, vous me diriez quoi ? Vous, mon fils ? Laissez-moi rire. Vous savez, j'ai un fils. Il est plus jeune que vous. Il est en Irak. 2e division d'infanterie. Un jour, il est rentré à la maison et il m'a dit qu'il avait choisi. Il renonçait à l'université. Il voulait partir faire la guerre. À cause des images du 11 septembre qui lui trottaient dans la tête. Qu'est-ce que vous en pensez, Marcus ? Il a eu tort ou raison ? J'en sais rien. Moi non plus. Tout ce que je sais, c'est que la vie est une succession de choix, qu'il faut savoir assumer ensuite. Et voilà, poulet patate douce. Attention, c'est chaud. Merci, Hélène. Alors là, l'écrivain, vous allez vous régaler. C'est moi qui vous le dis. Les filles, vous nous rejoignez ? À table. C'était une belle soirée. Il y avait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi entouré. Après le repas, je restais un moment seul sur la terrasse pendant que Gallowood aidait sa femme à ranger. La nuit était tombée, le ciel était couleur d'encre, tout était calme. Lorsque Gallowood me rejoignit, je lui racontais comment Stern avait laissé Harry occuper gracieusement Goose Cove. Même Stern qui avait des relations avec Nola. Oui. Et je vous confirme que quelqu'un savait à l'époque pour Harry et Nola. Harry m'a raconté que le soir d'un grand bal populaire, il a trouvé sur le miroir des toilettes une inscription le traitant de baiseur de gamine. À propos, et le mot sur le manuscrit, quand est-ce que vous aurez les résultats de l'analyse graphologique ? D'ici la semaine prochaine, en principe. On sera bientôt fixé alors. Une autre bière fraîche ? Une dernière. J'ai épluché le rapport de police sur la disparition de Nolin. Celui rédigé par le chef Pratt. Il ne mentionne ni Stern ni Harry. Pourtant, Enancy Hathaway et Tamara Quinn m'ont affirmé avoir parlé au chef Pratt de leurs soupçons à propos de Harry et de Stern. Le rapport est signé de la main de Pratt. Il savait et il n'aurait rien fait. Qu'est-ce que ça cache ? Qu'il pourrait bien avoir eu lui aussi une relation avec Nola Kalergan. Vous pensez que... Non. Le chef Pratt et Nola ? La première chose que nous ferons demain, l'écrivain, ce sera d'aller lui poser la question. Monsieur Goldman, qu'est-ce qui vous amène ? On dit que vous menez vos propres investigations. Bonjour, chef. Ah, bonjour. Ah, mais c'est une visite officielle. Entrez. Merci. Oui, nous avons juste quelques questions. L'enquête s'embourbe et il nous manque des éléments. Je suis sûr que vous nous comprendrez. Pas de problème, si je peux vous aider. Pour être honnête, j'ai lu votre rapport et je n'ai pas été convaincu. Par exemple, je sais que Tamara Quinn vous a parlé de ce qu'elle savait à propos de Harry et Nola, et cela ne figure pas dans le dossier. La mère Quinn est venue me voir, oui. Elle m'a dit qu'elle savait qu'Harry fantasmait sur Nola. Mais elle n'avait aucune preuve de leur relation et moi non plus. Vous mentez. Elle vous a montré un feuillet écrit de la main de Harry qui le compromettait clairement. Elle me l'a montré une fois. Et puis ce feuillet a disparu. Il n'y avait plus rien. Qu'est-ce que je pouvais faire ? Et Elias Stern, que saviez-vous sur lui ? Stern ? Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire ? Arrêtez votre cirque, Pratt. Je sais que vous n'avez pas mené votre enquête comme vous auriez dû. Vous n'avez pas à venir ici me donner des leçons chez moi. Je sais qu'au moment de la disparition de la gamine, Tamara Quinn vous a fait part de ses soupçons sur Kéber. Et que Nancy Hathaway vous a rapporté que Nola avait eu des relations sexuelles avec Elias Stern. Vous auriez dû embarquer Kéber et Stern, les interroger, perquisitionner leur maison, éclaircir tout ça, et faire figurer vos conclusions dans le rapport. C'est ça la procédure habituelle. Ouais, ouais. Mais vous n'avez rien fait, pourquoi ? Vous aviez tout de même une femme assassinée et une gamine disparue sur les bras. J'ai ratissé la région pendant des semaines, et même sur mes congés. Je me suis démené pour retrouver cette gamine. Alors, venez pas ici, chez moi, pour m'insulter et remettre en cause mon travail. Les flics ne font pas ça aux flics, Galoud. Oui. Vous avez retourné la terre et fouillé le fond de la mer. Mais vous n'avez pas interrogé ceux qui auraient sans doute pu vous en apprendre le plus. Pourquoi, nom de Dieu ? Vous aviez peur de quoi ? C'était au tout début du mois d'août de cette foutue année 1975. Croyez-le ou non, la petite est venue me trouver un après-midi dans mon bureau au poste de police. J'ai entendu qu'on frappait à la porte et Nola Kalergan est entrée sans attendre ma réponse. J'étais assis en train de lire un dossier. J'ai été surpris de la voir. Je l'ai saluée. Je lui ai demandé ce qui se passait. Elle avait un air étrange. Elle m'a pas adressé le moindre mot. Elle a refermé la porte, a tourné la clé dans la serrure, puis elle m'a regardé fixement et elle est venue vers moi. Vers le bureau. Et là... Et là quoi, chef Pratt ? Elle est venue se mettre sous le bureau. Elle a ouvert mon pantalon. Elle a pris mon pénis et l'a mis dans sa bouche. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est la vérité. Elle m'a sucé et je me suis laissé faire. m'a dit, laissez-vous aller, chef. Et quand tout a été fini, elle a ajouté, maintenant vous êtes un criminel. Après, c'est moi qui l'ai forcé à recommencer. Quelques semaines avant sa disparition, j'étais à Side Creek avec elle. Je me suis garé à l'orée de la forêt. Il n'y avait jamais personne dans ce coin. J'ai demandé de me faire encore ce qu'elle m'avait fait. J'ai ouvert mon pantalon. Je l'ai attrapé par la nuque et je lui ai demandé de me sucer. Ça fait 30 ans que ça me hante. J'en peux plus. Emmenez-moi, sergent. Je vais être interrogé. Je vais être jugé. Je vais être pardonné. Le sergent Galwood menotta le chef Pratt qui n'opposa aucune résistance. Marcus, abasourdi, téléphona à Benjamin Ross, l'avocat de Harry, pour lui raconter ce qu'il venait d'apprendre. Le vieux a eu des relations sexuelles avec Nola Kellergan. Nom de Dieu, Marcus, qu'est-ce que vous me chantez là ? Nouveau rebondissement dans l'affaire Harry Kébert. Les chaînes de télévision répétaient la nouvelle en boucle. Garrett Pratt, ancien chef de la police d'Aurora, venait d'avouer des actes d'ordre sexuel sur Nola Kellergan. Il devenait ainsi un nouveau suspect potentiel. Avoir une relation avec la jeune fille. Il est actuellement en garde à vue au quartier général de la police d'État de Concorde. Je n'arrive pas à croire que ce soit vrai. Et ce n'est pas tout, Harry. Je crois qu'il est temps que vous sachiez. Savoir quoi ? Vous me faites peur, Marcus. Si je vous ai parlé de Stern l'autre jour, c'est parce que je suis allé chez lui. Et j'ai trouvé un tableau de Nola. Un tableau ? Comment ça, un tableau ? Stern a chez lui un tableau représentant Nola, nu. J'ai pris une photo avec mon téléphone. Regardez. C'est elle. C'est Nola. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais qu'est-ce que c'est que cette saloperie ? Essayez de rester calme. Mais qu'est-ce que Stern vient foutre dans toute cette histoire ? Je sais pas. Nola ne vous a jamais parlé de lui ? Jamais ! Harry, pendant l'été 75, Nola aurait entretenu une relation avec Elias Stern. Quoi ? Mais qu'est-ce que ça veut dire, Marcus ? C'est ce qu'on m'a raconté. Non. Harry, vous devez envisager que vous n'avez peut-être pas été le seul homme dans l'existence de Nola. C'est impossible. C'est impossible. Vous m'entendez ? C'est moi qu'elle aimait. Vous entendez ? C'est moi qu'elle aimait. Marcus, vous l'avez compris, c'est moi. Tu calmes. Mais pourquoi ? Pourquoi vous faites ça, Marcus ? Harry ! Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi ? Allez, tous au diable ! Mais... Non ! Allez, tous au diable ! C'était La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker avec Florent Shepp, Frédéric Pierrot, Éric Herson-Macarel, Mélissa Barbeau, Carole Franck, Fred Ulysse, Joanna Nizar. Bruitage, Patrick Martinache, avec la participation de Bertrand Amiel. Musique originale, Damien Salançon. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc, Nicolas Depagraf. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Pascal Deux. La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker, adaptée par Sophie Lemp, a été publiée aux éditions de Fallois.